فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد sachez que parmi les gens de notre communauté qui ont laissé une trace indélébile dans notre histoire grandiose, dans l'histoire sublime de notre religion et l'islam, il y a parmi eux des femmes qui ont laissé leur empreinte. Et leur récit, ou le récit de ces femmes, est un exemple et une exhortation pour ceux qui les ont suivis. Allah Azza wa Jalla a dit, il y a certes dans leur récit une exhortation pour des gens qui réfléchissent. Et parmi ces femmes honorables et honorées, il y a les épouses de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants, des femmes illustres, et comment parler des pieux prédécesseurs si on ne parle pas de nos mères, radiallahu anhum. Si on ne parle pas de nos mères pures et pieuses, et parmi ses épouses, parmi les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait Salama, radiallahu anha. Et son nom, à Salama, était Hind, bint Abi Umayya, ibn al-Mughira. Et elle faisait partie de la tribu des Bani Makhzoum. Et sa mère était Aqiqa, bint Amir, ibn Rubay'a, ibn Malik. Et le père de Salama, radiallahu anha, était Abu Umayya, son prénom était Hudayfa. Et il faisait partie des notables et des chefs de sa tribu. Il était connu pour sa générosité et ses largesses, à tel point qu'on le nommait la provision des voyageurs. Pourquoi ? Parce qu'il se chargeait de la nourriture de tous ceux qui voyageaient avec lui. Et il faisait partie des nobles de sa tribu. Le père de Salama faisait partie des nobles de sa tribu et il était riche et avait une lignée noble. Et Salama, radiallahu anha, était également la cousine de Khalid ibn Walid, radiallahu anha. C'est ainsi que fut élevé Salama, radiallahu anha, dans cette maison qui avait de glorieux ancêtres et qui était connue pour sa générosité. Et Salama, radiallahu anha, jouissait auprès de sa tribu d'une bonne réputation et elle était connue pour sa beauté grandiose et elle était également connue pour avoir une forte personnalité. Et quand elle a atteint l'âge de la puberté ou l'âge de se marier, Salama, radiallahu anha, se maria avec son cousin, le fils de son oncle paternel, Abdullah ibn al-Asad ibn Hilal ibn Abdillah ibn Umar al-Makhzoumi, plus connu sous le nom de Abu Salama. Et son mari, Abu Salama, était connu pour son courage. Et il était connu comme étant un cavalier émérite et téméraire dans la tribu de Quraysh. Et quand l'islam fut révélé, Salama et son mari Abu Salama, radiallahu anhuma, furent parmi les premiers à recueillir la lumière de l'islam et à entrer dans cette nouvelle religion, dans la religion de vérité. Et Quraysh, leur tribu, commença alors à les opprimer, à les torturer et à oppresser tous les musulmans avec la plus grande vigueur et la plus grande force pour que ces derniers, pour que les musulmans délèvent et fassent un trait sur leur religion, sur la religion de vérité. Et Salama et son mari furent de ceux qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Allah Azza wa Jalla dit, « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الله عز وجل dit, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah tabaraka wa ta'ala. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié, ceux qui attendent encore, ils n'ont varié aucunement dans leur engagement qu'ils avaient pris envers Allah, c'est-à-dire de ne l'adorer seul, sans associer. Et devant l'oppression de Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux musulmans d'émigrer vers Al-Habasha, qui est l'Érythrée actuelle, c'est-à-dire un pays à côté de la Somalie. Et Hind, c'est-à-dire Abu Salama et son mari fuirent alors de Mecca pour préserver leur religion et pour pouvoir la pratiquer. Elle vécut donc avec son mari sur cette terre lointaine, loin de leur famille et de leurs amis, le cœur triste, mais apaisé à la fois de pouvoir pratiquer leur religion. Et à Habasha, Umm Salama a eu plusieurs enfants de son mari, 4 en tout, à Habasha. Elle eut la première, Zaynab, et le deuxième, Salama, d'où leur surnom, et le troisième qui était également un garçon, Omar, et la troisième, une fille, la quatrième, une fille, Durwa. Et Umm Salama et son mari, Abu Salama, radiallahu anhuma, sont considérés comme étant les premiers à avoir émigré vers le Habasha. Et ils vécurent donc dans ce pays lointain un certain temps. Puis, quand les musulmans de Habasha entendirent la bonne nouvelle et furent informés de la bonne nouvelle de la conversion de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, et de Hamza ibn Abdul Muttalib, ils furent réjouis et heureux de cette nouvelle et de cette annonce. Ils retournèrent alors à Mecca. Et avec eux, Umm Salama et son mari, ainsi que leurs enfants, pensant que la conversion de Omar et de Hamza, radiallahu anhuma, aurait arrangé les choses pour les musulmans qui se trouvaient à Mecca. Mais de retour sur leur terre natale, ils trouvèrent les infiltrateurs de Quraysh encore plus déterminés que jamais à en finir avec cette nouvelle religion qu'est l'islam. Leur oppression se faisait de plus en plus forte et ils torturaient et tuaient les musulmans et leur faisaient écouter toutes sortes de châtiments que seul Allah, tabaraka wa ta'ala, fait. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux croyants et aux croyantes d'émigrer pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, pas en Érythrée, mais à Médine. Et Umm Salama radiallahu anha nous raconte son histoire, l'histoire de son voyage, et nous dit, nous nous étions préparés avec mon mari, Abu Salama, pour voyager vers Médine. Il me monta sur un chameau avec mon fils Salama, pour justement partir de la Mecque vers Médine. Et lui s'est mis sur un chameau devant nous et tirait le mien. Quand les hommes de ma tribu ont vu que nous allions partir, c'est-à-dire quand les hommes de la tribu de Umm Salama ont vu qu'ils allaient partir de la Mecque en direction de Médine, ils se sont précipités vers nous. Et ils ont dit à Abu Salama, est-ce que tu as vu ta compagne? Pour quelle raison la laisserions-nous partir avec toi? Alors, la tribu d'Umm Salama a pris les rênes des mains de Abu Salama, les rênes du chameau de Umm Salama, et ils ont pris les rênes des mains de Abu Salama. Et quand le camp de Abu Salama, le mari de Umm Salama, a vu ça, ils se sont précipités vers eux. Et ils ont dit, on ne laissera pas son fils avec elle si vous ne la laissez pas partir avec son mari. Alors ils commencèrent à tirer leur fils Salama. Ils se tiraient les uns les autres jusqu'à ce que la tribu de son mari ait pris leur fils. Et son mari, la tout à l'heure, s'est alors dirigé vers Médine. Et la tribu de Umm Salama a pris Umm Salama. Et la tribu de Abu Salama, ils ont pris le petit Salama à leur place. Et ils les ont séparés, les trois. Et elle dit, je suis resté avec eux, avec sa tribu, puisqu'elle lui revenait à la mer. Elle dit, je sortais tous les jours, le matin, sur une grande étendue appelée Al-Abtah. Et je pleurais jusqu'au soir. Elle sortait, radiallahu anha, sur cette étendue, et elle pleurait jusqu'au soir. Et ceci pendant un an, ou presque. Un jour, un homme, du clan de son oncle, a vu la détresse dans laquelle était Umm Salama, radiallahu anha. Et il a eu pitié d'elle. Et il a dit à sa tribu, pourquoi vous n'allez-vous pas partir pour aller rejoindre son mari? Pourquoi laissez-vous cette pauvre femme ici et ne la laissez-vous pas rejoindre son mari? Et en plus de l'avoir séparée de son époux, vous l'avez séparée également de son enfant. Alors son clan lui ont donné l'autorisation de partir et ils lui ont dit, bon, si tu veux rejoindre ton époux, eh bien vas-y si tu le souhaites. Et la tribu de son mari lui rendit alors son fils. Salama. Elle monta alors sur un chameau et prit son fils Salama sur ses genoux et elle partit à la recherche de son mari à Médine. Et ils n'étaient que tous les deux, c'est-à-dire Umm Salama et son fils, dans cette immense étendue désertique. Et elle s'est dit que si elle rencontrait quelqu'un sur le chemin, elle lui demanderait des informations sur son époux, jusqu'à ce qu'elle le retrouve, parce qu'elle n'avait aucune idée d'où se trouvait Abu Salama dans Médine. Après avoir quitté la Mecque en direction de Médine, et arrivé à Sanaïm, qui est un endroit sur la route de Médine, à 5 km de Mecca, elle rencontra le point de Médine. Elle lui a dit, où est-ce que tu vas, ô fils de Abi Umayya? Où vas-tu? Elle lui dit, je cherche mon époux qui est à Médine. Je cherche Abu Salama, qui est à Médine. Uthman lui dit, il n'y a personne avec toi pour voyager. Umm Salama lui répondit, radiallahu anhu wallahi, je n'ai qu'avec moi Allah et mon fils. Uthman, radiallahu anhu, Uthman ibn Talha lui dit alors, par Allah, je ne te laisserai pas faire le voyage seul, mais je t'accompagnerai jusqu'à ce que tu trouves ton mari. Il prit les rênes de son chameau, et les emmena sur la route. Umm Salama nous dit par Allah, je n'ai jamais vu un homme parmi les Arabes plus généreux que lui, plus généreux que Uthman ibn Talha. Quand nous devions nous arrêter, il faisait s'agenouiller mon chameau pour que je puisse descendre. Et quand je suis descendu, il prenait le chameau et l'accrochait à l'arbre, restait avec le chameau jusqu'à ce que nous devions partir. Et il faisait comme cela sur tout le chemin, jusqu'à ce que nous fûmes arrivés aux abords de Médine. Il me dit, ton époux est dans ce village. Entre-y avec la bénédiction d'Allah. Et il repartit ensuite immédiatement vers la Mecque. C'est ainsi qu'Allah lui facilita de retrouver son époux qu'elle chérissait, ainsi que sa progéniture. Et Allah et pour qui il aime. Et elle disait, par Allah, elle disait, radiallahu anha, par Allah, je ne connais pas une famille dans l'islam qui a été atteinte par ce qui a atteint la famille de Abu Salama. Et elle resta donc à éduquer ses enfants et à servir son mari dans l'obéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, et le satisfaire tout en prenant les règles de l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans cette ville bénite qui est Médine. Et Abu Salama, radiallahu anhu, l'époux d'Umm Salama, faisait partie de l'élite des cavaliers de l'islam. Et il s'est distingué en participant à deux batailles avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de Badr et à la bataille de Uhud. Lors de la bataille de Uhud, il fut gravement blessé. Abu Salama, lors de la bataille de Uhud, fut gravement blessé, radiallahu anhu. Mais il patienta en espérant la récompense de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Il resta un mois complet à soigner cette grave blessure. Et à ses côtés, son épouse dévouée comme Salama, qui l'aidait en lui ramenant tout ce dont il avait besoin, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Quand il fut rétabli, Abu Salama, radiallahu anhu, fut rétabli, le prophète, alayhi salatu wa salam, l'envoya à la tête d'une expédition pour combattre les Bani Hashim. Il en revint victorieux, radiallahu anhu, en ramenant avec lui un énorme butin. Mais sa blessure, qu'il avait contractée au cours de la bataille de Uhud, se rouvrit, il se réveilla et commença à couler du sang. Sentant la fin proche, Umm Salama, radiallahu anha, lui dit, il m'a été dit qu'il n'y a pas une personne ou qu'il n'y a pas une épouse dont le mari meurt et que ce mari fait partie des gens du paradis et que si cette femme ne sera mariée pas après son décès, eh bien Allah Azza wa Jal les réunira tous les deux au paradis éternel. Abu Salama lui dit alors, Ya Umm Salama, est-ce que tu veux m'obéir? Est-ce que tu veux m'obéir? Umm Salama lui répondit naturellement, bien entendu, que je veux t'obéir. Alors Abu Salama, radiallahu anhu, lui a dit, si je meurs, remarie-toi. Si je meurs, remarie-toi. Il leva ensuite des mains, radiallahu anhu, et dit au Seigneur, donne à Umm Salama, après moi, un homme vieux, un homme mieux que moi, qui ne l'assiste pas et ne lui fait pas de tort. Umm Salama radiallahu anha continua de le soigner avec douceur, tendresse et compassion jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappelle l'âme d'Abu Salama radiallahu anhu wa rahmahullah. Quand Abu Salama radiallahu anhu mourut et que la période de Umm Salama s'acheva, elle se rappela de l'invocation de son mari défunt et elle dit, qui est mieux qu'Abu Salama? Qui est mieux que mon mari, Abu Salama? Elle vécut une petite période à s'occuper de ses enfants en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qui lui avait destiné et décrété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait notre mère Umm Salama à patienter dans son épreuve et lui disait, celui qui dit c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Ô Seigneur, récompense-moi dans mon épreuve et remplace ce que j'ai perdu par mieux. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui donnera encore mieux que ce qu'il a perdu. Alors Umm Salama a dit cette invocation. Et dans son cœur, elle disait, mais qui est mieux que mon mari défunt, Abu Salama? Puis vint Abu Bakr, radiallahu anhu, pour demander en mariage Umm Salama. Mais elle refusa. Après Abu Bakr, vint alors Umar, notre Khattab, radiallahu anhu, qui la demanda également en mariage, mais elle refusa parce qu'elle disait qu'elle était âgée et qu'elle avait des enfants qui étaient encore petits. Mais en vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui appartient le décret. Et il lui réservait une personne bien plus noble que ces deux-là, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et ceci par la cause de l'invocation de son mari qui fut accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva pour la réconforter et la demanda en mariage en envoyant Hafiz ibn Abi Balta'a radiallahu anhu. Umm Salama fut heureuse comme jamais quant à cette demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam au mariage. Et elle dit, en réponse à la demande de mariage du prophète alayhi wa sallam, elle a dit, je suis une femme d'un certain âge, Rasulallah. J'ai des enfants en bas âge. Et en plus, je suis extrêmement jalouse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Il lui renvoie la réponse et il lui a dit, quant à l'âge, je suis plus âgé que toi. Et tes enfants, ce sont les miens. Et quant à la jalousie, j'invoquerai Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il l'appelle. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplaça Abu Salama par mieux pour Umm Salama radiallahu anha. par la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'elle vécut heureuse avec le prophète alayhi wa sallam, en s'occupant de lui et en lui donnant amour et affection et en lui étant dévouée. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Umm Salama, Aïcha radiallahu anha fut prise de jalousie parce que les gens disaient que Umm Salama était extrêmement belle. Alors Aïcha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est alors cachée pour observer Umm Salama radiallahu anha. Et quand elle l'a vue, Aïcha radiallahu anha a dit, Wallahi, elle était deux fois plus belle que ce que les gens me racontaient. Wallahi, elle était deux fois plus belle que ce que les gens nous racontaient. Et Umm Salama, radiallahu anha, était une femme très intelligente. Et d'un bon conseil pour le prophète, alayhi salatu wa salam. Et la preuve est son conseil béni lors du pacte de l'Hudaybiyah, au mois de Shawwal, de l'an 6 de l'Égypte. Mais écoutez plutôt cette histoire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décida, accompagné de 1400 de ses compagnons, d'accomplir la Umrah. Et avec lui, notre mère Umm Salama, radiallahu anha, qu'il avait choisi pour accomplir avec lui la Umrah. Ils partirent sans aucune arme, pour montrer qu'ils n'étaient pas venus pour combattre. Et ils étaient également en état de sacralisation, c'est-à-dire en Ihram. Et quand Quraysh ont entendu la nouvelle de leur venue, de la venue des musulmans vers la Mecque, ils se préparèrent alors pour les combattre. Le prophète et ses compagnons s'arrêtèrent alors à l'endroit de ce chevalier. 80 hommes de Quraysh arrivèrent et furent capturés par les compagnons et amenés au prophète, alayhi salatu wa sallam, qui leur demanda « Est-ce que quelqu'un vous a envoyé ?» Ils répondirent que non, personne. Il nous a envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le libéra alors. Pour montrer qu'il n'était pas venu pour combattre, mais qu'il était venu juste pour accomplir le rituel de l'Umrah. Et les notables de Quraysh ont alors divergé sur le fait de laisser entrer les musulmans en terre sacrée ou pas. Le prophète, alayhi salam wa sallam, demanda alors de conclure un pacte. Et Quraysh a envoyé alors Sohaïl ibn Amr comme ministère. Puis ils commencèrent à écrire le pacte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Ali radiallahu anhu pour écrire ce passage. Et Ali a commencé à écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Souhaïd l'a dit, stop. Comment Rahman? C'est qui le miséricordieux? Nous ne connaissons pas. Écris Bismillahumma. Écris en ton nom, ô Seigneur. C'est tout. On ne connaît pas Rahman. Alors Ali, il s'est mis en colère et il a dit « Wallahi, on écrira Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est tout, pas autre chose. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Écris ce que Souhaïl dit. » Alors Ali radiallahu anhu a dit « Allez, commence à écrire Bismillahumma. » Ensuite Ali radiallahu anhu a commencé à écrire « Voilà ce qu'a conclu le messager d'Allah, Muhammad ibn Abdillah, et la tribu de Quraysh. » Souhaïl l'arrêta. Encore une fois, il lui a dit, mais si nous reconnaissons que tu étais le messager d'Allah, est-ce que tu crois que nous t'aurions combattu? Et est-ce que tu crois que nous serions arrivés à la situation dans laquelle nous sommes? Écris ton nom et celui de ton père. Pas Rasulallah. Écris ton nom et le nom de ton père. Pas le messager d'Allah. Alors Ali s'est encore mis en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écris ce qu'il te dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à dire la première clause et que vous nous laisserez entrer dans la maison sacrée pour accomplir la Umrah. Souhaïl lui dit alors, pas cette année, mais l'année prochaine si vous voulez, mais cette année pas de Umrah. Alors les compagnons se mirent en colère car ils étaient venus pour accomplir les rituels de la Umrah cette année, pas l'année prochaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta cette clause quand même, car le prophète alayhi salatu wa sallam ne parle pas de son propre chef, mais quand il parle, c'est une révélation émanant de son Seigneur de Baraka wa Ta'ala, il huwa illa wahyu yuha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la deuxième clause est de ne plus se combattre pendant 10 ans. Sourate Al-Qasa est la vie, d'accord? Mais celui de la tribu de Quraysh qui vient voir musulmans, donne le rang. Et celui parmi les musulmans qui aura renié sa religion et qui revient vers nous, on aura le droit de le protéger et on ne le rendra pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Et Allah, à ce moment-là, décréta, alors que les gens étaient énervés et en colère, il décréta une chose incroyable et invraisemblable. Un homme arriva, poussiéreux, les chaînes encore à son cou et à ses mains. Cet homme se précipita vers les musulmans en leur disant qu'il venait de s'échapper de Quraysh et qu'il était musulman et qu'il avait besoin de leur protection. Parce que Quraysh, il le torturait et il voulait qu'il abjure et qu'il renie sa religion, mais qu'il avait réussi à s'enfuir et qu'il cherchait la protection des musulmans. Et cet homme, et vous ne le devinerez jamais, était Abu Jandal, Ibn Suhayl, Ibn Amr, le propre fils de celui qui négociait avec le prophète alayhi salam. C'était Abu Jandal, Ibn Suhayl, Ibn Amr, le propre fils de celui avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de négocier. Et il demandait la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était venu en tant que musulman. Suhayl, son père, se leva et dit alors, oh Muhammad, la première chose sur laquelle on va te juger, c'est celle-ci. Rends-nous tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas encore soumis. Le pacte n'est pas encore conclu. Il lui a dit non. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de pacte. On ne fait plus rien. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, rends-le-moi. Il a dit non, je le rends. Je ne le rends pas. Et rends-le-nous. Sur le champ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rendit à l'autre. Suhayl l'attrapa son fils, et le traîna, et le donna à ceux qui étaient avec lui, et les musulmans voyaient leur frère être rendus aux associateurs. Et Abu Jandal, radiallahu anhu, criait. Il disait, oh musulmans, vous voulez que je retourne à la mécréance? Et les musulmans regardaient leur frère se faire traîner, sans pouvoir rien faire. Alhamdoulilah, ne vous inquiétez pas, Abu Jandal a réussi à s'enfuir. Ensuite, il combattit avec le prophète, alayhi salam, et il combattit à Shem, où il mourut de la Bessama. À la Koul Dihan, ils signèrent le pacte avec Suhayl, et Suhayl s'en alla. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a dit par Allah, je n'ai jamais eu de doute depuis que je suis rentré en Islam. Mais je suis parti voir le prophète, sallallahu alayhi salam, et je lui ai dit, n'es-tu pas le messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, bien sûr, je suis le messager d'Allah. Alors Omar lui a dit, ne sommes-nous pas, nous les musulmans, sur la vérité et les associateurs sur la fausse religion? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, bien sûr, que nous sommes sur la vérité et que eux sont sur le faux. Omar dit alors au prophète alayhi wa sallam, ne nous avez pas plus dit que nous allions faire le travail. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bien sûr, mais est-ce que je t'ai dit que tu allais faire cette année, le savoir? Alors Omar lui a dit, non, tu m'as pas dit que j'allais faire cette année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à Omar, pour le réconforter, ne t'inquiète pas, tu iras à la Kaaba et tu feras le travail. Et ceci, pour vous montrer la situation des compagnons, ils avaient tellement envie d'accomplir cet Omar, ils ne voulaient pas y renoncer, pour rien nommer. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala décide une chose, rien ne peut l'empêcher. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux compagnons de couper leurs cheveux et de sacrifier une bête. Et tous les compagnons refusaient. Tous les compagnons refusaient de perdre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Il alla voir alors le premier Umm Salama, radiallahu anha, qui a vu dans quel état était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était contrarié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'allongea et Umm Salama lui a dit, qu'as-tu, ya Rasulallah? Qu'as-tu, ô messager d'Allah? Alors le prophète Mohammed lui a dit, je leur ai ordonné de couper leurs cheveux et de sacrifier, et personne ne m'a oublié. Alors, radiallahu anhu a écouté le prophète qu'il lui a donné. Il lui a dit, est-ce que tu veux que tes compagnons t'obéissent dans ce que tu ordonnes? Est-ce que tu veux que tes compagnons t'obéissent dans ce que tu ordonnes? Le prophète a fait ça de la tête et dit oui. Oum Salama lui dit alors, sors et ne parle à personne jusqu'à ce que tu sacrifies ton chameau, puis coupe-toi les cheveux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam écouta le conseil de notre mère, Oum Salama radiallahu anha, et sortit en direction de son chameau à sacrifier en ne parlant à personne. Et il éleva la voix pour que tous les compagnons l'entendent. Et il a dit, Bismillah, Allahu Akbar. Et il sacrifia. Ensuite, il se dirigea vers une sorte de petite guérite faite en terre rouge. Il s'y installa et appela Kharash ibn Ubayy Umayya, ibn al-Fadl al-Khuza'i, pour qu'il lui coupe les cheveux. Et quand les compagnons ont vu cela, ils sacrifièrent tous et coupèrent tous leurs cheveux. Et ils furent sauvés quant au fait de diverger de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci par la cause du conseil béni de notre mère Umm Salama, radiallahu anha. Et après qu'Allah tabaraka wa ta'ala eut donné la victoire aux musulmans, Umm Salama vécut heureuse avec le prophète alayhi salatu wa sallam, servant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et servant ses enfants avec dévotion et loyauté, amour et compassion. Mais comme vous le savez, la joie et les bonnes choses ne durent jamais bien longtemps. Et cette dunya est vouée à disparaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala rappela à lui son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Umm Salama, radiallahu anha, fut attristé de cette nouvelle. Et elle fut affligée quant à se séparer de cet époux béni et quant à se séparer de la meilleure des créatures. Elle vécut après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'obéissance de son Seigneur, dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la prière nocturne, dans les aumônes, dans le jeûne et tout ce qui rapproche de son Seigneur azza wa jalla. Et parmi les bienfaits d'Umm Salama, radiallahu anha, était la plus Jibril, avec le prophète sous l'apparence de Déchia Eskendi, qui était un compagnon, et dont Jibril prenait souvent l'apparence pour voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait ses épouses, il commençait par Umm Salama radiallahu anha. Et il terminait par Aisha radiallahu anha. Et il rapporta Umm Salama énormément de hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam. Et les considérer après notre mère Aïcha comme celle qui a rapporté le plus de hadith chez les femmes. Il est rapporté d'elle 370 hadiths, dont 3 dans le Bukhari et 10 dans le Sahih Muslim. Et plusieurs compagnons, radiallahu anhu, ont pris d'elle le hadith parmi eux, Aïcha, wa Abu Sa'id al-Khudri, et son propre fils Omar, et Anas, et bien d'autres. Et parmi les tabi'in, beaucoup ont également pris tel le hadith, parmi eux Saïd ibn Musayyib et d'autres encore. Et elle faisait également partie des gens qui donnaient des fatwas après le décès du prophète alayhi salatu wassalam. Et les grands compagnons venaient lui demander son avis sur les questions religieuses. Et c'est dans sa maison que fut également révélée la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله ne veut que vous débarrasser de la souillure aux gens de la maison du prophète et veut vous purifier pleinement. Quand ce verset fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela alors sa fille Fatima et son gendre Ali et ses deux petits-fils Hassan et Hussein et il dit, ce sont eux les gens de ma maison. Umm Salama dit alors, et moi, ô messager d'Allah, ne fais-je pas partie de ta maison? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, si Dieu le veut, si Allah tabaraka wa ta'ala le veut. Et Umm Salama, radiallahu anha, vécut après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous le califat de Abu Bakr et de Omar, et de Othman, et de Ali, et les trois de grande tristesse quand ces deux derniers furent assassinés et l'ont pu énormément affaibli. Elle fut également attristée de l'assassinat du petit-fils du prophète Hussein, radiallahu anhu. Elle fut et elle vécut jusqu'au califat de Muawiyah, radiallahu anhu. Elle est la dernière des mères des croyants à avoir quitté ce monde. Le Zahabi, rahimahullah, a dit, quand on lui annonça que Hussein fut assassiné, elle fut affligée à tel point qu'elle s'évanouit. Elle ne vécut pas longtemps après son assassinat. Son âme noble et pieuse fut rappelée par Allah tabaraka wa ta'ala en l'an 61 ou 62 de l'Hijr, selon la parole la plus authentique. Elle avait alors, radiallahu anha, dans les 90 ans. Abu Huraira, radiallahu anhu, pria sur elle et ses deux fils, Omar ou Abdullah, la mirent dans sa tombe. Elle fut enterrée, al-Baqir, rahimahullah, wa radiallahu anha, wa ardaha. Salama est considérée comme un exemple parmi les mères des croyants. Elle avait une grande intelligence, une grande beauté et une forte personnalité qu'elle canalisait au service de sa religion et pour satisfaire son créateur, tabaraka wa ta'ala. Elle est également un exemple dans sa parfaite éducation de ses enfants et dans le fait de s'occuper de son foyer et d'obéir à son mari dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le fait de conseiller son époux dans les moments difficiles et dans le fait de se tenir debout avec son mari lors des épreuves les plus dures. Et tout ceci est devenu rare chez nos sœurs et nos mères d'aujourd'hui ou à l'Iyadat. Salama, radiallahu anha, n'avait qu'un seul but. C'était qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait d'elle. Et la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala passe par les œuvres qu'elle accomplissait, radiallahu anha, et qui sont dignes d'être pris en exemple par toutes les femmes musulmanes de nos jours. Car les mères des croyants doivent être un exemple pour toutes nos sœurs qui cherchent l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Telle était notre mère, Salama, Hindu bin Umayya, radiallahu anha. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, et celle parmi vous, parmi les femmes du prophète, qui est soumise entièrement à Allah tabaraka wa ta'ala et à son messager, et qui fait le bien, nous lui donnerons deux fois sa récompense. Et nous avons préparé pour elle une généreuse récompense. Ô femme du prophète, vous n'êtes comme une aucune autre femme si vous êtes pieuse. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.